coupe la campagne en silence. Je pense à une fille qui fait pousser des bleuets. Elle m'a dit au revoir sur les lèvres, sans la langue, ce matin même, dans sa langue de petit poème. Des gales de beauté blanche et violette ont taché les collines d'Hiroshima Est. Comme des napkins humides, des amours ouvertes, des pétales endormis, les paupières volantes, des nippones au saké qui boivent à même le printemps, un peu de verdure pour mettre en veilleuse les cris de leur temps. Le karaoké, les peines d'amour sales, l'amour habillé pour tuer qui m'a mené à l'autre monde, le meilleur dans le Dosatsu. À Onomichi, dans les parallèles de ruelles cassées et les marches en ciment noirci, les chiens, les chats et en chemise carottée, les touristes tokyoïdes self-font le paysage pour leur nouveau fond d'écran. Les bateaux cales sèches et les cerisiers qui crient à la destruction de ces immondes buildings de la Japanese Oil Company. Les cimetières verticaux, les kanji funéraires, et dans l'allée d'un temple perché, une petite fille court après une poussière. À Osaka, ils passent comme des comètes, des avec 7 puis fuck le reste. Dans le America Village, le Kanye West japonais replace ses mèches bleachées comme si de rien n'était. Je ne suis personne ici, je suis un jouet pété dans un monde de fourmis. À Miyoshi, bon sang, cette ville est un jeu de Sega Genesis. Le ciel se déroule en 256 couleurs immobiles. 256 teintes d'agonie sur la ville, brouillées par endroits, surtout vers le haut, comme des langues désespérées dénicher le ciel bleu Tokyo. Les bottes dans la rivière d'un cuisinier décomposé, lunettes fumées, l'été est fini. Des rêves écrits mort-nés sur du papier de vie. À Kyoto, comme un kimono 4 mégapixels, tellement de toits sans ninja, tellement de temples sans mantra. Venise, Kyoto, même combat. Un actionnaire de Honda se paye une geisha neuve. Elle a les yeux au plafond comme des lampes qui n'ont plus de gaz. Un moine passe en moto, ville de temples et de gogos en plastique, Kyoto. Et dans un building derrière ces étoiles, derrière une vitre de plastique au 768e étage, je regarde mon reflet s'élançant sur Tokyo, comme un publisac infini, déversant à rabais des flots de « on verra ».